La 18e conférence internationale des partis communistes et des partis ouvriers s'est déroulée les 28 et 29 octobre à Hanoï, capitale du Vietnam. Sous le sujet « Crise du capitalisme et offensive réactionnaire des impérialistes, stratégie et tactique des partis communistes et partis ouvriers pour la paix, les droits des masses populaires travailleuses et le socialisme », la conférence a réuni les délégations et délégués de 59 partis communistes et partis ouvriers, notamment la délégation du Parti Travail de Corée. À la conférence, le chef de la délégation coréenne, Lee Soo-yong, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a prononcé un discours. Il a dit « Maintenant, les forces réactionnaires impérialistes, au seuil de la ruine, s'évertuent désespérément pour maintenir leur domination. Pour parvenir à l'émancipation du monde, tous les pays et nations doivent adhérer fermement à l'indépendance contre l'impérialisme. Les partis communistes et partis ouvriers doivent se faire avant-garde et porte-drapeau dans cette œuvre. » Opposer la stratégie de cohésion aux menées impérialistes de division et de ségrégation, voilà la position de principe de notre parti. Les partis communistes et partis ouvriers de divers pays du monde sont tenus de s'unir sous la bannière de l'indépendance anti-impérialiste et orienter le fer de lance de la lutte contre les impérialistes ennemis communs. Parachever l'œuvre socialiste et réaliser parfaitement l'indépendance des masses populaires, c'est l'objectif final du Parti de Travail de Corée. Notre parti militera de son mieux à l'avenir aussi pour défendre la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et le reste du monde, ainsi que la victoire de la cause d'émancipation de l'humanité, œuvre socialiste, en jouissant du soutien et de l'encouragement des partis communistes et partis ouvriers de divers pays du monde. La réunion a adopté la résolution solidaire en faveur de la lutte du Parti Travail de Corée et du peuple coréen pour l'édification d'une puissance socialiste. Elle a également adopté l'appel de la 18e conférence internationale des partis communistes et des partis ouvriers comme document final. Les participants ont convenu de tenir la 19e conférence à Moscou de Russie vers la fin d'octobre et le début de novembre 2017.